Mosaïque. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Mosaïque. Quels sont les enjeux de l'intervention de l'armée burundaise en RDC et aux côtés de la FARDC? Voici le sujet autour duquel tourne le débat d'aujourd'hui. Depuis mars 2023, le Burundi a envoyé en RDC son armée pour combattre aux côtés des FARDC le mouvement rebelle M23 dans le cadre de l'EAC. Toutefois, certains pays de la région, notamment l'Ouganda, le Kenya et le Sud-Soudan, ont retiré leur contingent à l'exception du Burundi. Alors en quoi cette intervention concourt ou non à la sécurisation des civils? Pourquoi cette intervention suscite-t-elle encore des divergences et des positions tranchées dans l'opinion burundaise et au-delà, notamment sur les réseaux sociaux? Voici les questions essentielles autour desquelles tourne le débat Mosaïque, une production de la radio-télévision Isanganiro en partenariat avec la Benevolentia. Vestine Boutoui, je suis à la présentation. Sur le plateau, nous sommes avec deux invités. Il y a Rémi Hafzalimana, coordinateur de la Maison Lueur d'Espoir. Rémi, bonjour. Bonjour, bonjour aussi à Deo Hakizimana qui est bonjour. Avec moi. Salutations aussi à tous ceux qui nous sont en train de nous suivre. Bienvenue à l'émission Mosaïque. Merci beaucoup. Nous sommes encore avec Deo Hakizimana, il est l'expert en géopolitique. Monsieur Deo, bonjour. Bonjour madame, merci de m'avoir invité. Merci surtout de m'avoir fait me rencontrer avec mon ami Rémi. Encore une fois, bienvenue. Merci. À la cabine technique, vous êtes avec Eric Ouimana et Jérôme Ndaïchimiye. À la réalisation, c'est Léonce Vitalio. Mosaïque. La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque. Le débat, la première question s'adresse à l'expert en géopolitique Deo Hakizimana. C'est quoi l'enjeu de l'intervention de l'armée burundaise en RDC aux côtés des FARDC? Je ne dirais pas l'enjeu, mais plutôt les enjeux. Mm-hmm. Parce qu'il faut d'abord remonter à l'histoire et accepter de, par exemple, remonter jusqu'à l'année 1988. Mm-hmm. Je dis 88 parce que, selon mes recherches, la première guerre géopolitique de la région des Grands Lacs, celle qui a mené vers la guerre du Congo, que nous connaissons à ce moment, a commencé au Burundi par la crise de Ndengamarangara en août 1988. Comment ça? C'est-à-dire, selon les informations que nous avons vérifiées et qui ont été confirmées par les sources crédibles que nous avons consultées, il est clair que le massacre de Ndengamarangara n'était pas une crise interne burundo-burundaise. C'était plutôt une crise liée à un calcul géopolitique fait par certains acteurs intéressés. Pour quel objectif? Qui voulait que la région nord-est du Burundi, à savoir la région qui était secouée par le massacre, puisse être vidée pour devenir plus tard une zone militaire à partir de laquelle une intervention pourrait être faite sur le Rwanda pour renverser le régime de Habyarimana. Beaucoup de gens ne savent pas qu'à cette époque, la géopolitique internationale était en train de basculer. Vous aviez les Américains qui commençaient à convoiter très sérieusement la région des Grands Lacs et voulaient chasser du terrain la francophonie, la France. Et la France n'est pas restée les bras croisés, elle a agi. Si on vous dit que à la conférence de la Bolle, lorsque François Mitterrand demande aux Africains de démocratiser leur pays, d'accepter le multipartisme, mais c'était notamment une des réactions structurelles qui, pour la région de chez nous, faisait partie des appétits internationaux sur notre région. Si vous vous souvenez bien, c'est la crise d'Ntegamarangara qui a créé, malheureusement, les opportunités qui ont mené vers un changement de front dans la politique burundaise. Bon, le Burundi est devenu le dernier pays francophone à avoir adhéré au multipartisme, mais il a fait quand même la gestion des suites de la crise d'Ntegamarangara fait partie des raisons qui ont mené vers ça. Maintenant, on sait que la version qui a suivi de la guerre est celle qu'on a vue en 1990 au Rwanda, le FPR soutenu par l'Ouganda. On sait quand même, on n'a pas besoin de vouloir le démontrer, a envahi le Rwanda et voulait prendre le pouvoir à Kigali. Tout de suite après, il y a une réaction rapide de la Belgique et de la France qui ont déployé une force sur le terrain et qui a arrêté les objectifs de la pression militaire du FPR. On s'est demandé pourquoi ce genre de guerre, ce genre d'invasion se passait de manière si, je dirais, spectaculaire quand on a vu ce qui s'est passé. On a compris finalement que l'objectif final, c'était le Congo. C'était l'ex-Zaïre de Mobutu. Le renversement de Mobutu faisait partie d'un calcul historiquement préparé et qui a donc commencé par ce que je disais, par la déstabilisation du Burundi. Mais les choses ne se sont pas passées comme c'était prévu. Au Burundi, par exemple, la crise a été stoppée net, notamment par la réaction des populations. Vous savez, il y a eu la réaction de quelques intellectuels qui ont écrit une lettre ouverte à président Buyoya de l'époque et qui, cette lettre-là, a obligé le président à aller vers les changements que j'ai cités tout à l'heure. Monsieur Déo, l'expert en géopolitique, comment est-ce passé et lié à cette intervention militaire burundaise en RDC? Oui, mais c'est parce qu'on savait que l'échec de la démocratisation burundaise, qui est finalement consommé avec l'assassinat de Ndadaye, était une malchance également pour le Rwanda, qui était en négociation à Arusha. Le FPR, le gouvernement de Habyarimana, était entre essayer de s'entendre sur le partage du pouvoir. Mais avec l'élection de Ndadaye à Bujumbura, ça a changé toute la donnée. À ce moment-là, je vivais à Genève. J'étais représentant du Front Debout à l'époque. J'ai dirigé une mission d'information à Paris où j'ai rencontré quelques officiers français, y compris des officiers de haut niveau, au niveau ministériel. J'ai bien compris qu'eux, ils étaient convaincus que la donne burundaise venait de changer les calculs traditionnels et qu'il fallait s'y adapter. Maintenant, il y en a qui font nous raconter que l'assassinat de Ndadaye est le fruit de plusieurs complots qui ont cheminé ensemble et qui ont abouti vers la mise à mal du pouvoir burundais. On savait qu'en dérangeant l'expérience burundaise, on exposait également la sécurité du Rwanda. Et alors aujourd'hui, pourquoi l'intervention burundaise militaire en RDC? C'est-à-dire, si nous voulons évoluer, nous devons vous annoncer qu'à un moment donné, tous les analystes sérieux s'accordaient pour dire que si le problème du Burundi et le problème du Rwanda ne sont pas résolus de manière pacifique et de manière durable, ça risquait de contaminer l'ex-Zaïre, Kivu actuel. Ce scénario est malheureusement arrivé en 1996, avec la première guerre du Congo, avec la première guerre qui a abouti vers le renversement de Mobutu. Et quand Mobutu a été renversé, vous savez les soubresauts qui ont suivi avec le président Kabila, Laurent Désiré Kabila, qui à un moment donné, il était venu dans les rangs de la FDL, comme on dit. Mais plus tard, Laurent Désiré Kabila n'a pas pu faire bon ménage avec ses anciens compagnons rwandais. Il ne faut pas oublier que de grandes figures rwandaises faisaient partie du gouvernement congolais du président Kabila et que cela a créé des problèmes plus tard. Il était connu que si on n'arrivait pas à stopper l'avancée des contradictions qui commençaient à agiter la région, on savait que cette guerre avait de beaux jours devant elle. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement. Et là, pour le Burundi. Pour le Burundi, s'intéresser à cette guerre et participer au front aux côtés des FARDC, c'est tout à fait un aboutissement compréhensible. Regardez. Compréhensible et comment? D'abord pour des raisons sécuritaires, la sécurité des frontières. Mais dernièrement, on ne peut pas analyser autrement ce qui s'est passé à Gatumba, le massacre des quelques civils qui ont été tués par un mouvement rebelle basé au Rwanda. Mais qui a... Basé au Rwanda? Ben oui, avez-vous c'est ce qu'on... Des preuves? Les preuves, si vous voulez demander des preuves, elles sont là, dans les discours des officiels les plus autorisés. Au plus haut niveau du Burundi, par exemple. Quand le Burundi a fermé ses frontières terrestres, vous pensez que ça s'est passé par un hasard qui est tombé du ciel? Non, du tout. Non, du tout. Et je reviens vers vous, M. Rémi Abdalimana, coordinateur de la Maison Libre d'Espoir. Actuellement, le Burundi a intervenu en RDC dans le conflit M23 et les FARDC. Aujourd'hui, quels sont les enjeux de cette intervention de l'armée burundaise? Je suis tenté de peut-être pas commencer par l'angle sous lequel M. Déo Hakizman a abordé la question, mais tout simplement dire que c'est une continuité qui ne vient que de s'officialiser. Parce que je crois que depuis un bon bout de temps, l'armée burundaise a toujours été au Congo. Et ça, c'est une stratégie militaire, je me dis, parce que s'il faut tenir compte de la position de Kinshasa par rapport aux frontières est de son pays... Quand vous dites que l'armée burundaise a toujours été au Congo, vous voulez dire quoi? Je veux dire que chaque fois que le Burundi se sentait insécurisé, il a toujours voulu prendre position au Congo. Parce que justement, le bon voisinage qui caractérise ou qui a animé le Burundi et le Congo dans l'histoire a montré que chaque fois qu'il y avait un problème au Burundi, le Congo intervenait et vice-versa. Alors, dans l'histoire, nous voyons donc que la présence de l'armée burundaise à l'est du Congo, c'est une stratégie militaire pour protéger les frontières du Burundi, mais en accord avec le Congo. Seulement, ça n'a pas toujours été officialisé. Cette fois-ci, la question peut-être reprend surface parce que tout simplement, d'une façon officielle, l'armée burundaise s'était rangée du côté de l'East African Community. Ils étaient partis ensemble. Et maintenant, ça se met en exergue dans ce sens que les autres se retirent, mais l'armée burundaise reste. Donc, pour moi, la question serait mieux posée si elle était pourquoi l'armée burundaise se positionne au Congo. Quel en était le rôle de l'EAC? Non, encore une fois, l'EAC, c'est cette notion de trouver des solutions pacifiquement d'une façon régionalisée, c'est-à-dire fallait-il que tous les États qui se sont convenus de trouver des solutions ensemble et avaient pensé effectivement que comme il y a un problème à l'est du Congo et que le problème semblait être pas consensuel parce que du côté de la RDC, ils disaient qu'ils sont attaqués par le Rwanda via M23 alors que le Rwanda refusait cela. Donc, fallait-il que l'East African Community intervienne pour un peu calmer le jeu pour que peut-être on ait les opportunités de faire jouer la diplomatie. Alors, le problème s'en est beaucoup plus envenimé lorsque, justement, la diplomatie, je ne sais pas s'il ne faudrait pas dire tout simplement qu'elle a échoué, parce que finalement, tous les plans qui avaient été mis sur table n'ont pas donné des résultats escomptés. Alors, la décision donc qui a été prise de retirer, et chaque pays retirer son armée a été prise, mais le Burundi ne l'a pas fait de la même manière. Pour moi, donc, il ne pouvait pas quitter la place qu'il avait occupée depuis un certain temps, tout simplement. Et alors, selon vous, en quoi cette intervention concourt à la sécurisation des civils? Je ne sais pas ce que vous voulez dire par civil, pour ne pas dire tout simplement les citoyens. Pays, parce que voilà, les citoyens. Parce que s'il y a des difficultés, les difficultés, cette fois-ci, seraient liées avec toute l'historique que M. Deo Hakizimana vient de donner. Nous sommes dans une situation troublée depuis un bon bout de temps. Et les changements politiques qui souvent, pour ne pas dire toujours, sont issus en fait des négociations qui se font ailleurs et qui ont des répercussions sur place. Et malheureusement, souvent, nous ne le voyons que tardivement, si on le voit. Parce que des fois, les changements s'opèrent, on ne sait pas pourquoi ces changements se font. On comprendra plus tard, lorsqu'on ne saura plus rien faire, ou tout simplement, on ne sait pas. Et malheureusement, les acteurs en face s'accusent mutuellement parce que chacun croyant que c'est l'autre qui est à la base de ce qui est en train d'être fait, sans savoir effectivement qu'il y a des mains invisibles ou des cordes longues qui se tirent de loin. Et finalement, on se retrouve dans ce que nous vivons. Et des fois, c'est des ethnies qui se regardent en face, s'accusant mutuellement que c'est l'autre qui veut m'exterminer. Des fois, c'est les pays, c'est le cas notamment maintenant entre le Rwanda et le Congo d'abord, ensuite le Rwanda et le Burundi. Finalement, si on va plus loin, la question serait de dire quelle est vraiment la vraie source sur la vraie cause de ces situations assez difficiles qui ne parviennent pas nécessairement à trouver des réponses par le biais diplomatique. Tout simplement, encore une fois, c'est ce qui explique qu'en fin de compte, on cherche des solutions localement Alors que les causes ne sont pas locales. Voilà. La même question pour vous, Déo, géopolitologue. En quoi cette intervention concourt à la sécurisation des citoyens? Non, je crois qu'il faut d'abord répondre à la question pourquoi cette guerre? Quelles sont les vraies raisons de cette guerre? Cette question se pose depuis très longtemps et on a mis beaucoup de temps pour pouvoir et devoir y répondre avec exactitude. Maintenant, c'est connu. Ce n'est pas une guerre entre le Rwanda et le Congo. Ce n'est pas une mésentente entre les Hutus et les Tutsis de la région. Ce n'est même pas une mésentente entre les ce qu'on appelle les communautés bantoues et les communautés nilotiques. Tout cela se dit. C'est une guerre de conquête des ressources minérales africaines dont regorge le Congo. Et maintenant, il y a une notion qu'on appelle une guerre par procuration. Une guerre que quelqu'un fait au nom des autres. Ces autres, c'est qui? Les multinationales, les grandes puissances économiques qui ont des industries à protéger, qui, par exemple, maintenant qu'on parle d'écologie et de mesures écologiques, qu'on parle des voitures de nouvelle génération et que ces nouvelles générations de technologies vont être entretenues avec des minerais qu'on ne trouve qu'au Congo, le coltan, pour ne pas le citer par exemple, eh bien, ça a provoqué des guerres que des gens, des Burundais, que des Congolais, que des Rwandais mènent au nom d'autres puissances. Si on le dit aujourd'hui, on n'est pas en train de pécher contre Dieu. C'est la vérité, il faut la dire. Et c'est pourquoi, moi, dans ma réflexion avec mes amis, nous parlons maintenant d'un dialogue qui ne doit pas uniquement réunir les ressortissants des trois pays que nous sommes en train de citer. Je dis les trois pays, mais il n'y a pas que trois. C'est pourquoi, même quand l'East African Community est intervenue, c'est quand même sept pays qui ont décidé d'intervenir. Et quant à la conférence internationale de la région des Grands Lacs, c'est 12 pays qui se sentent intimement concernés. Mais le problème pour moi reste que les vrais patrons qui financent la guerre, qui font la guerre, qui se font la guerre, c'est des puissances internationales qui ont envie de mettre main basse sur... Et alors pourquoi la force et les armées burundaises interviennent en RDC pour combattre l'invisible? Non, il ne s'agit pas de combattre l'invisible. Parce que pour le Burundi, il s'agit d'abord d'une question sécuritaire. Sécuriser ses frontières. Et j'ai cité le cas de Gatumba. Un gouvernement responsable ne pouvait pas regarder ce qui s'est passé à Gatumba sans réagir. On a connu d'autres cas ailleurs. Maintenant, il faut parler de deux aspects de la question. On parle de dialogue. Dialoguer sur quoi? Dialoguer sur les enjeux. Les vrais enjeux maintenant, ceux dont on ne parle que dans des cercles très fermés, mais qui constituent le véritable problème. Pourquoi aujourd'hui est-ce que, depuis lundi, moi je lis continuellement des communiqués, des lettres, des déclarations venant de plusieurs pays différents qui demandent que la guerre s'arrête, que le M23 se retire du Congo, etc. Vous pensez que ça vient pour des raisons hasardeuses? Non. C'est parce que quelque part, il y a des gens, il y a des forces qui sont intéressées par ce conflit. Mais là, le grand problème que nous avons, c'est qu'on ne les voit pas autour des tables de dialogue. Quand on est allé le week-end passé, c'était le sommet de l'Union africaine. En marge de ce sommet, s'est tenu un mini-sommet sur le Congo. On a vu les présidents de nos pays, mais les autres, ceux qui sont véritablement intéressés, ils ont agi dans les coulisses. Je crois que si on veut obtenir la paix, et je crois que nous, en tant que ressortissants de ces pays, nous devons accepter de faire une réflexion stratégique sur cet aspect. Monsieur Déo, avant de proposer des solutions, j'aimerais savoir pourquoi cette intervention de l'armée burundaise suscite-t-elle des divergences et des positions tranchées dans l'opinion burundaise, même au-delà, notamment sur les réseaux sociaux. C'est normal, parce qu'au début, on nous avait dit que c'est une histoire ethnique. Mais là, nous savons que c'est faux. On est d'accord sur ça. que la dimension ethnique du problème n'est là que pour amuser la galerie. La vraie question, c'est ce que j'ai dit, ce sont les ressources. Mm-hmm. Maintenant, si ceux qui convoitent les ressources utilisent des forces armées, qui menacent votre frontière? Mais c'est normal que quand vous êtes un gouvernement responsable, vous puissiez réagir. Qui ne réagirait pas dans ce cas? La seule difficulté que nous devons régler, c'est de savoir que cette crise telle qu'elle se mène sur le terrain ne peut pas être uniquement l'affaire des gouvernements. Moi, j'arrive jusqu'à croire maintenant que tous les citoyens devaient être mis à contribution pour réfléchir ensemble sur les solutions à avoir pour que la question soit réglée définitivement et ne pas le laisser au seul gouvernement. C'est vrai, ils sont légitimement appelés à agir, mais pour que leur agissement donne des résultats durables, il faut que l'ensemble des communautés soient associées. Monsieur Rémi Abdalimana, coordinateur de la Maison Louer d'Espoir, pourquoi l'intervention de l'armée burundaise aux côtés des FARDC suscite-t-elle des divergences et des positions tranchées dans l'opinion burundaise, mais au-delà, notamment les réseaux sociaux? Bon, c'est peut-être parce qu'il s'agit d'une question d'actualité, mais toutes les questions, pratiquement la majorité des questions suscitent des réactions divergentes. Mm-hmm. Et cela, c'est encore une fois lié avec les positionnements qui sont dictés par les intérêts des uns des autres. Mm-hmm. D'abord, nous l'avons dit, c'est une situation qui est assez complexe, dans ce sens que très peu se dit officiellement. Et le fait qu'il y a en silence, chacun essaie de se donner réponse par rapport à sa compréhension et par rapport aux informations qui lui parviennent. Alors, la question donc qui se pose à ce niveau, c'est que, tout au moins au niveau du Burundi, qui sont ces personnes qui se posent des questions et qui divergent? Parce que les intérêts divergent aussi. D'abord, une famille qui a un militaire qui est sur le terrain et qui ne sait pas s'il va revenir ou pas parce qu'il s'agit d'une guerre, cette personne ne réagira pas de la même manière qu'une personne qui attend que cette situation vienne avec des positionnements diplomatiques, avec ses intérêts, je veux dire, les puissances qui ont plus besoin que la région soit sécurisée afin que l'extraction de ces minéraux se fasse correctement. Ou tout simplement qui voudrait voir telle ou telle autre armée sécuriser la zone qu'il voudrait exploiter. Donc, de ces deux individus ayant deux intérêts tout à fait divergents, vont réagir différemment par rapport à cette question. Mmh. Alors, si c'était seulement de se poser la question de savoir pourquoi les Burundais, l'armée burundaise est là, là aussi je suis sûr qu'ils ne convergeraient pas. Parce que c'est quoi en fait le problème? En fait, c'est encore une fois ce qui n'est pas dit. La diversité de notre situation fait que aujourd'hui, la carte qui se trouve sur la table soit analysée par ceux qui la voient, suivant encore une fois ce qu'ils ont dans leur pensée. Alors, si aujourd'hui l'armée burundaise est présente sur le sol congolais, la question qui serait posée, la réaction, je l'ai dit, de ces personnes dont les membres y sont, va beaucoup plus pencher du côté de la sécurité de ces personnes. Mais une personne, j'espère qu'il y en a, qui est en contact avec cette superpuissance qui voudrait effectivement la sécurisation de la zone. Parce que derrière cela, il y a des projets d'extraction et des projets de beaucoup d'argent. Parce que là, ce n'est pas 10 milliards, c'est des centaines de milliards. Alors là, vous comprendrez que sa réaction, il est dans le sens de dire probablement marcher vers le machiavélisme, c'est-à-dire la fin va justifier les moyens. Il faut y mettre tout ce qu'il y faut pourvu qu'on arrive au résultat voulu. Donc, ces deux personnes ne vont pas converger lorsqu'il sera la question de réagir sur la présence de ces militaires. Alors, cette fois-ci, la personne qui se situe au niveau de la diplomatie, qui est en train de négocier, parce que je me dis qu'ils sont en train de se parler, la façon dont il va réagir par rapport aux informations dont il détient sera différente, encore une fois, de ces deux dont nous avons parlé avant. Finalement, la question, elle est appréhendée comment ? comment on comprend, c'est comment on aborde cette question. Là, je ne vais pas loin pour revenir sur cette fois-ci la divergence qui peut être causée par le fait que plusieurs restent et persistent à croire que le problème est ethnique. Et si vous touchez la corde sensible ethniquement au Burundi, bonjour la division ethnique. Alors, vous voilà devant une situation dont l'officialisation ne donne pas de clarté. Et vous voulez que les gens convergent lorsqu'ils n'ont pas les mêmes informations? Je ne crois pas que cela puisse se faire demain. Mosaïque. La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Bénévolentia. Mosaïque. Rappelons que le débat mosaïque continue et lui se focalise sur les enjeux de l'intervention de l'armée burundaise en RDC aux côtés des FARDC. Nous sommes encore avec deux invités. Il y a Deo Hakizimana, le géopolitologue, et Rémi Havdalimana, coordinateur de la maison Lueur d'Espoir. Monsieur Deo Hakizimana, vous êtes le géopolitologue. La présence des forces burundaises en RDC au moment où les autres forces de l'EAC, notamment l'Ouganda, Kenya, Sud-Soudan, ont été priées de plier leurs bagages, a quel impact sur les relations entre les pays de l'EAC? Bon, l'impact est d'abord De nature géostratégique. Il faut bien savoir que ce qu'on appelle la porte et le verrou de la crise du Congo se trouvent au sud, Kivu, sur une ligne de front se situant à Bukavu. Moi, j'aime même dire que cette porte et ce verrou se trouvent sur un triangle Bukavu, Kigali, Bujumbura. Quiconque maîtrise cette zone maîtrise l'ensemble de la région. Et c'est pourquoi, depuis 1996 d'ailleurs, le front a du mal à évoluer jusqu'au sud Kivu, parce qu'il y a cette ligne de front qui a toujours été un problème pour les partisans de l'agression du Congo. On parle de balkanisation, etc. Donc, si vous analysez les choses du côté des intérêts des pays de l'East African Community, vous comprendrez que le Burundi aura plus d'intérêt à montrer sa détermination que quiconque d'autre. Pourquoi? Parce que Bukavu, c'est à côté. C'est nous qui avons la frontière avec le sud Kivu, la région la plus sensible. Pourquoi est-ce que maintenant, appelons ça la grande guerre du Kivu, se mène surtout au nord? C'est parce qu'au sud, il y a des forces de dissuasion qui empêchent la guerre d'évoluer et d'aller plus au sud. Et ça, il faut le savoir. C'est le Burundi qui a cette capacité, qui a même cette vocation naturelle d'être à cette frontière et donc d'avoir l'obligation de la défendre. On ne peut pas accuser le Burundi de devoir mettre en place une action qui protège sa frontière. Chaque pays au monde le ferait de la même manière. Et cette présence de la troupe burundaise, à quel impact est sur les relations entre les pays de l'EAC? Des relations de méfiance. Mais la méfiance n'existait pas que à cause de ça. Je ne sais pas si vous savez que autant il y a un problème entre le Congo et le Rwanda, vous savez qu'il y en a aussi entre le Rwanda et l'Ouganda. Qu'il y en a. J'ai même été surpris ces derniers temps de savoir qu'il y a des suspicions entre le Kenya et la Tanzanie, chose qu'on n'avait jamais vue à cause de cette guerre du Congo. Mais là, il y a aussi un souci entre le Rwanda et le Burundi. Ça, nous n'avons pas à devoir le démontrer ici. Tout le monde le sait. Comme vous parlez de la Tanzanie, actuellement, la Tanzanie est présente en RDC et sous la communauté SADC, alors qu'auparavant la Tanzanie a refusé de participer au premier deal sous la communauté de l'EAC. Pourquoi alors cette entrée en jeu de la Tanzanie? De manière très concrète, il faut entendre que la Tanzanie a voulu, comme le fait le Burundi, intervenir pour défendre sa frontière. Et si vous analysez les informations qui circulent, à moins que les gens veulent se voiler la face, nous entendons dire que la Tanzanie a déjà commencé à mettre en place des actions qui montrent que la Tanzanie a la méfiance vis-à-vis de certains ressortissants de pays voisins qui soupçonnent d'être en train d'animer la déstabilisation de la Tanzanie. Vous savez, là nous sommes devant un problème l'un des problèmes géopolitiques les plus complexes de notre temps en Afrique. Pas seulement pour l'Afrique, mais également pour le monde. Pourquoi ? Parce que si vous analysez le nombre de pays qui sont en conflit, le seul fait de regarder la carte du Congo avec ses 9 frontières, le seul fait de savoir que quand vous allez maintenant au Mozambique, que vous y trouvez des forces qui sont une capacité de projection d'un pays de la région et qui est en belligérance. Si vous allez au-delà de cette région, vous remarquez, vous sentez que l'odeur de la crise entre les Hutus et les Tutsis d'un côté, entre les Nilotiques et les Bantous de l'autre, a déjà traversé plusieurs frontières. Ça en fait une des crises les plus graves de notre temps. Mais c'est une crise devenue grave à cause du fait que nos élites, moi je le dis avec beaucoup de frustration, ne font pas leur boulot. Parce que c'est aux élites aujourd'hui d'être à côté de leur gouvernement pour réfléchir sur les voies et moyens d'abord pour comprendre la crise, pour ne pas aller vers de fausses solutions. Et ensuite, quand il y a de bonnes solutions, savoir les présenter à nos populations et les présenter de sorte que ça soit une vision durable, une vision qui interpelle tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, quand je regarde, moi, quand je sors dans les rues de Bujumbura, j'entends beaucoup de choses, mais j'assiste à peu de choses en termes de conférences scientifiques sur cette question. Alors que c'est le moment qu'il fallait pour commencer à en parler, pour commencer à échanger. Et il fut un moment où dans ce pays, les gens avaient l'habitude de discuter. Pourquoi ils ne le font pas aujourd'hui? Il y a un silence qui est assourdissant et c'est ce silence-là qui profite aux planificateurs d'une crise qui est une crise par procuration. Monsieur Rémi Abdalimana, vous êtes le coordinateur de la Maison d'Ivoire et d'Espoir. Est-ce que la présence des forces burundaises en RDC, au moment où d'autres de l'EAC comme Ouganda, Kenya et Sud-Soudan ont été priés de plier leurs bagages, ça a quel impact sur les relations entre les pays de l'EAC? Ça a déjà été dit, mais je dirais même que, en fait, ça va plutôt, disons, déterrer ce qui n'était pas dit hier, exiger que petitement la vérité soit dite et que finalement nous acheminions vers une certaine prise de décision qui va dans le sens de dire tout haut, parce que finalement nous sommes beaucoup plus victimes de ce qui se fait mais qui se dit pas, et finalement on se retrouve malheureusement victimes de ces superpuissances qui sont en train d'agir par le biais de ceux qui sont sur place, comme il l'a si bien dit, guerre par procuration, et finalement les gens vont se retrouver en train de se catégoriser ou de se positionner suivant justement les intérêts des uns et des autres, mais qui va à la longue montrer qui est pour qui et qui est contre qui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, vous posez la question de savoir pourquoi la Tanzanie s'est retirée, mais par une porte et rentrer par une autre. Encore une fois, ça devrait être une démonstration qui montre que finalement, nous sommes vraiment sous cette guerre où la guerre qui se fait dans des chancelleries, comme il l'a dit tout à l'heure, où la guerre autour du nouvel ordre mondial se dessine, et que maintenant, si on sait aujourd'hui que l'Occident se positionne, il y a le BRICS qui se positionne, et finalement, les adhésions ne sont pas encore officialisées. Mais la question à laquelle il faut répondre est: est-ce que le Burundi subit de près ou de loin, directement ou indirectement, cette pression de devoir se positionner? Ou tout au moins d'officialiser sa neutralité, si neutralité est là. Parce que la question qui est là, aujourd'hui, il y a des conférences qui se font, la quasi-totalité des pays européens invitent les Africains à aller. Et maintenant, nous en voyons aussi qui se font au niveau de l'Est, donc c'est soit en Russie, en Chine ou ailleurs, en Inde. Mais ces mouvements, on n'explique pas directement les implications que cela a sur le terrain. Mais c'est ce qui ne se dit pas justement. Mais la situation est là. Maintenant, quelle est la position de la Tanzanie par rapport justement au BRICS ou à l'Occident? Lorsque maintenant la question qui est économique et qu'on présente une banque qui soit parallèle à la Banque mondiale et auquel maintenant on invite les gouvernements à se ranger. Et quel est ce gouvernement qui n'a pas besoin de fonds dans ces difficultés? Alors, se positionner par rapport à tel ou tel autre, là, ça devient, comme je le disais, le non-dit qui s'officialise. Parce que est-ce que la SADC qui vient avec la Tanzanie, comme vous le dites, pourquoi vous n'avez pas posé la question de savoir pourquoi l'armée sud-africaine elle est aussi présente? Pourquoi les autres pays, justement? D'ailleurs, ces pays n'ont même pas directement de frontières avec la RDC. Mais on voit justement un pays dont on ne veut pas s'officialiser le lien avec soit les BRICS ou alors l'Occident, mais nous voyons la guerre se faire sur le terrain. Alors, tant qu'on n'appelle pas le chat par son nom, les solutions localement risqueraient de poser problème. Alors, malheureusement, les guerres ou la guerre par procuration va se faire entre celui qui aura soutenu tel camp et celui qui aura soutenu tel camp. Et finalement, ça va se voir sans l'avoir dit. C'est ce qui explique donc que finalement, l'impact que ça, c'est qu'on sait qui est derrière qui. Si vraiment on met les deux choses sur le même niveau, on peut lire que tel pays s'est déjà positionné par rapport à telle superpuissance, tel autre pays s'est positionné par rapport à telle autre puissance. Alors, où se trouve le Burundi? Qui était là? Qui y reste? Là, encore une fois, c'est cette question à laquelle il faudrait répondre, mais voilà, l'impact, c'est qu'au moins on sait, dans l'East African Community, qui est pour et qui est contre les deux, qui se positionne par rapport à ces deux superpuissances au niveau mondial. Et M. Rémy, tout en parlant du Burundi, subsidiairement à l'entrée de ce pays en confrontation à l'RDC, le Burundi a fermé ses frontières avec le Rwanda. Et ce qui ramène à la situation antérieure dans les relations entre les deux pays. Est-ce que cette présence de l'armée burundaise en RDC a-t-elle des liens avec la fermeture des frontières avec le Rwanda? Il est un peu difficile de dire, parce que c'est une question évolutive. Nous savons que les frontières étaient ouvertes alors que l'armée était au Congo. À un certain moment, ça se ferme, mais on sait officiellement ce qui a été motivé ou donné comme la raison pour laquelle les frontières ont été fermées. C'est justement parce qu'on a dit que le Burundi a été attaqué par une force qui provient et qui est entretenue du Rwanda. Là, c'est clair. Est-ce que les deux sont liés? Je crois que oui, parce que c'est une question sécuritaire. Et ce qui explique la présence de l'armée au Burundi, je crois, c'est la sécurité aussi, plutôt l'armée burundaise au Congo. Mais cette fois-ci, la question serait peut-être de dire, est-ce que les frontières vont s'ouvrir parce que l'armée quitte ou reste? Là, encore une fois, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Je me dis qu'au niveau diplomatique, la machine est en marche. Je me dis, et là, si demain les choses vont dans le sens positif, que les frontières s'ouvrent, ça serait une positivité pour tout le monde. Que l'armée quitte la RDC où il reste, mais que la sécurité soit là. Moi, je crois que ce qui est important, c'est que les problèmes soient analysés au fond, que l'on mette sur table les vraies cartes et que les vraies questions trouvent les vraies réponses. Là, ça mettra fin aux guerres qui ne sont pas qualifiées, mais qui font tellement de victimes, parce qu'effectivement, les gens vont jusqu'à se positionner derrière des on-dit chuchotés, alors qu'officiellement, on dit autre chose, et c'est ce qui fait mal dans notre région. Monsieur Deo Hakizimana, vous êtes l'expert en géopolitique, et quelle est votre analyse par rapport à la présence de l'armée burundaise en RDC et la fermeture des frontières burundo-rwandaises? Quand le Burundi a fermé ses frontières terrestres, moi j'ai écrit un tweet en disant, cette fois-ci, on est en présence d'une mesure rationnelle et je pense que le vrai dialogue sur les vrais enjeux peut commencer. Je maintiens ce que j'ai dit. Parce que c'est la vérité. La vérité, c'est que on a subi plusieurs agressions sur nos frontières. On a parlé de Kabarore, Chibitoke, et récemment, j'y reviens encore, Katumba. Ça, ça parle. Mais la frontière de Katumba est très proche de la RDC et non du Rwanda. Tout est lié. Tout est lié. Une attaque peut venir de Makamba. C'est loin de la frontière, mais un élément peut s'organiser pour agir à partir de là. Tout est lié. Fermer les frontières veut dire diminuer les risques de voir continuer à s'élargir en front, notamment en front armé, en front violent, etc. Et ça oblige les protagonistes à devoir se retrouver et se parler, cette fois-ci, plus franchement, avec moins d'hypocrisie. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce qui s'est passé depuis plusieurs années. Mais l'hypocrisie vient de la mise en route de ces fameuses guerres par procuration. Et quand nous en parlons, nous devons d'abord nous arrêter et comprendre ensemble, de manière commune, comment l'Afrique se positionne dans le débat mondial actuel sur le nouvel ordre qui est en train de se mettre en place. Et nous devons être capables de comprendre que l'Afrique reste le seul lieu le plus convoité parce que c'est le seul endroit où les ressources stratégiques demeurent et en grande quantité, en grande réserve. Il en résulte qu'il y en a même qui vont jusqu'à dire l'Afrique est tellement belle, l'Afrique est tellement riche qu'il y en a qui veulent l'avoir sans les Africains. Ça se dit. Moi, je vais maintenant jusqu'à dire que si les Africains avaient la conscience de manière concrète de ce qui peut attendre l'Afrique si elle ne sait pas se défendre, nous pouvons ne pas parler de ces guerres civiles à répétition qu'on a dans différents pays, etc. Nous pouvons simplement nous arrêter même à d'autres fléaux qui nous ont menacés et qui nous menacent. Les maladies provenant des virus fabriqués en laboratoire. Ça nous dit quand même quelque chose. Ça tombe pas du ciel. Et aujourd'hui, on a des informations qui nous permettent de savoir que, par exemple, regardez ce qui s'est dit à propos de la COVID-19, etc. Donc, l'Afrique doit devoir et pouvoir se défendre pour négocier sa participation dans le nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place. Ça sera un monde multipolaire, pas le monde bipolaire d'après 45. Monsieur Deo, en revenant un peu en arrière, est-ce que le dialogue est-il possible entre le Burundi et le Rwanda dans cette situation? Pareil. Ah ben, il est possible. La preuve, c'est qu'il se mène mal, difficilement, mais il a lieu à Addis Abeba. Les présidents de nos pays se sont vus. Bon, j'ai pu entendre qu'il y en a qui ne se sont pas salués. Bon, mais c'est déjà ça, se voir, c'est quelque chose. Le dialogue est possible, mais il est difficile si on ne détermine pas la qualité des protagonistes. Parce que dans les protagonistes, il y a des acteurs qui manquent toujours sur la table. Ce sont ceux qui manipulent, ceux qui se font la guerre. C'est ça qu'il faut d'abord comprendre aujourd'hui. Savoir que, moi, dans ma démarche en tant que fondateur du CIRID et avec mes amis, il y a ce que nous appelons un dialogue novateur et réparateur. Novateur dans ce sens que nous proposons que si demain les protagonistes rwandais, congolais devaient se retrouver autour d'une table de dialogue, moi j'aurais envie d'inviter aussi les représentants des puissances internationales dont nous savons qu'ils offrent des soutiens à l'entretien de la crise. Ça c'est novateur pour nous. Réparateur maintenant, il faut que ce soit un dialogue réparateur qui arrive à respecter nos douleurs, nos souffrances. Vous savez, l'Afrique vit actuellement des situations de terrorisme, etc., ou des conséquences liées à ces guerres, à ces coups d'État après 4-5 siècles d'esclavage, un siècle de colonisation et plus de 60 temps d'une politique de coopération totalement inefficace. Et il est temps aujourd'hui qu'on puisse tirer les conclusions de tous les échecs que nous avons essuyés dans cet espace de plusieurs siècles. Et moi, je vais même jusqu'à dire que nous, en tant qu'Africains, nous ne sommes pas crédibles si nous continuons à seulement crier sur les injustices apportées par, on dit, les Blancs, les colons, sans regarder les erreurs que nous nous faisons chaque jour dans la gouvernance de nos pays. Mmh. Parce que tout concourt à créer une bonne situation et donc à créer un bon dialogue. Mmh. Moi, si donc on me demandait aujourd'hui d'organiser un dialogue, moi j'appellerais tous les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies à venir assister, soit en tant qu'observateur, soit en tant que protagoniste. Monsieur Deo, au-delà de ce dialogue et cette introspection, qu'est-ce qui devrait encore être fait pour inverser la dynamique de violence dans la région? Il faut d'abord apporter à nos populations une information correcte. Ne plus laisser nos populations croire à des fantaisies. Mmh. Du genre, les Hutus, les Tutsis ne s'aiment pas, ils ne peuvent donc que se tuer. Ça, nous devons, si nous sommes crédibles, essayer de mettre en place un processus qui montre que nous avons compris que Hutu, Tutsi, c'était lié à l'ethnisation de la fonction publique dans nos pays. Et une ethnisation intervenue dans les années 20 et dans les années 30. Maintenant, 80 ans après, nous devons montrer que nous avons compris. Mmh. Rémi Abdalimana, coordinateur de la Maison Rivière d'Espoir, qu'est-ce qui devrait être fait pour inverser la dynamique de violence dans la région des Grands Lacs? En plus de ce que M. Akizimana vient de dire, c'est question de voir les choses en face et prendre le bœuf par les cornes. Je crois que la grande difficulté, c'est ce complexe d'infériorité des gérants de nos pays respectifs. Parce que ce que veulent les superpuissances, c'est des matières, les ressources, effectivement, qui sont nécessaires, mais qui appartiennent à ceux qui gèrent ces pays et qui devraient, en fait, encore une fois, mettre les cartes sur la table, dire ce qui n'est pas dit. Je veux dire, on sait ce qu'ils cherchent, on sait comment ils les ont. Alors, définir clairement comment toutes ces transactions doivent se faire. C'est ce qui éviterait justement que les guerres par procuration aient lieu. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs se présentent en commissionnaire, mais ils ne veulent pas l'admettre. Et lorsque vous êtes commissionnaire, vous ne faites que ce que votre patron veut. Malheureusement, aux risques et périls des malheureux victimes qui doivent justement subir toutes les conséquences, souvent sans bénéficier même des retombées positives, je veux dire pécuniaires, de ce que l'on récolte dans la zone. Mm-hmm. Donc, tant que justement nos guerres sont qualifiées d'ethniques, les guerres ne vont pas terminer parce que les ethnies seront toujours là. Si ethnie, il y en a. Mais si vraiment on parle que le problème, c'est le sous-sol et ce qu'il y a. Il est sous quel sol qui appartient à quel pays et que ces négociations se font autour de cela justement. Que l'on se dise, j'ai de l'or, le marché international le présente comme ça, qui veut n'a qu'à venir sur table, on négocie comment il est là. Alors, la question va être beaucoup plus facile, l'intervention militaire va se réduire parce que tout se fera comme on n'a pas besoin de militaires lorsqu'on va acheter la pomme de terre. Ça sera la même chose, ça sera un produit connu qui est sur un marché connu, avec un propriétaire connu, alors qui en veut n'aura qu'à aller justement là où ça se trouve. Ça, c'est la première chose. La deuxième et dernière, c'est effectivement ce côté de l'information. Je me sens mal lorsque je vois que justement les réseaux sociaux propagent des informations souvent tellement déformées, alors que l'officiel devrait justement dire ce qui se passe et informer les gens pour éviter qu'on se retrouve en plus de la guerre par procuration, on se retrouve face à une guerre de médias. Chacun, maintenant, c'est plus facile. J'ai mon téléphone, je peux produire une phrase et l'envoyer sans en mesurer les conséquences. Et celui qui est à côté envoie autre chose. Malheureusement, la destination va consommer tout ce qui ne provient pas des sources certaines. Et les gens sont doublement malades parce qu'il y a un problème réel, mais il y a un problème aussi de sous-information, de mauvaise information. Donc, que les choses s'appellent par leur nom et que la vérité soit dite par ceux qui doivent la dire. Et voilà, c'est par vos interventions que nous mettons un point final à cette émission Mosaïque qui était centrée sur les enjeux de l'intervention de l'armée burundaise en RDC aux côtés des FARDC. Merci Deo Hakizimana, géopolitologue, pour ta présence. Je vous remercie aussi, mais j'aimerais quand même ajouter, si vous le permettez, un détail qui me semble fondamental. On est presque à la fin. Oui, oui. Le détail que je voudrais ajouter, c'est qu'il est important pour nous que nos dirigeants puissent nous aider, appeler tout le monde pour qu'on définisse une sorte de vision commune qui soit un rêve commun et qui nous aide à gérer toutes ces difficultés. Sans cette vision, nous n'irons pas plus loin. Merci. Merci également à vous, Rémi Abdialimana, coordinateur de la maison Livre d'Espoir. Merci pour votre participation. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi M. Deo Hakizimana et je remercie aussi ceux qui nous ont suivis du début à la fin. Merci. À la cabine technique, vous étiez avec Eric Ouimana et Jérôme Ndaïchimiye. L'émission a été préparée par la radio-télévision Isanganiro en partenariat avec la Bénévolentia. Vestine Outoï, j'étais à la présentation. Au revoir, à la prochaine. Mosaïque.